بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله على طاعتي. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre de la purification de Bulugh al-Maram. Et donc l'auteur, après avoir mentionné le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu concernant la transformation de l'alcool en vinaigre, il dit... Il rapporte également, donc lorsque l'auteur dit il rapporte également, c'est-à-dire Anas ibn Malik. Il rapporte également que le jour de la bataille de Khaybar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Talha radiallahu an d'annoncer Allah et son messager vous interdisent la consommation de la chair des ânes domestiques, car c'est impureté. Donc le jour de la bataille de Khaybar, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent touchés par une disette. Et ils réussirent à capturer des ânes domestiques appartenant à l'ennemi, qui étaient sortis de la ville. Ils les égorgèrent et firent cuire la viande. Puis lorsque les marmites étaient en ébullition, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Talha d'annoncer qu'Allah et son messager interdisent la consommation de la chair des ânes domestiques, car c'est une impureté. Et donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se mirent à renverser les marmites avec leur contenu. Et ceci nous montre, ikhwan fillah, que la chair de l'âne domestique est impure. Et donc l'âne domestique, c'est l'âne que les gens se servent de cet animal pour transporter certaines choses. Et ici, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il faut déduire de cela que l'âne domestique est impur? Est-ce qu'il faut déduire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son messager vous interdisent la consommation de la chair des ânes domestiques, car c'est impureté, Est-ce qu'on doit déduire de cela que l'âne domestique est impure? Concernant ce sujet, les savants, ils ont divergé. L'imam Ahmed, rahimahullah, rahmatan wasi'a, qu'Allah lui fasse miséricorde, est d'avis que l'âne domestique est impure. Et il s'est basé sur le hadith que l'auteur a mentionné. Notamment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « car c'est une impureté ». Et donc, selon l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ceci montre que l'âne domestique est impur. Donc ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, que l'âne domestique est impur. Quant à l'imam Malik et l'imam Shafi'i, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils sont d'avis que l'âne domestique est pur. Et selon eux, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « car c'est impureté », ceci revient à la chair de l'âne seulement. Et il se base aussi sur le verset 8 de sourate les abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, il a aussi créé pour vous les chevaux, les mulets et les ânes comme monture, et pour vos apparats, et il crée ce que vous ne savez pas. Et donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il nous a autorisé à prendre l'âne comme monture, sans pour autant nous ordonner de nous purifier lorsqu'on viendrait à monter sur un âne et prendre un âne comme monture. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur un âne, comme dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu an, il dit qu'Allah l'agré, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Et tout ceci indique la pureté de l'âne domestique. Et cet avis est le plus juste. L'avis de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, que l'âne domestique est pur. Par contre, sa chair est impure et illicite à la consommation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah et son messager vous interdisent la consommation de la chair des ânes domestiques car c'est impureté. » Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de ce hadith est qu'il convient d'utiliser les moyens les plus puissants pour propager la religion. Et la preuve de cela est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Talha d'annoncer aux gens qu'Allah et son messager interdisent la consommation de la chair des ânes domestiques. Car Abu Talha radiallahu an avait une voix qui porte. Et c'est pour cela, ikhwani fillah, qu'il n'y a aucun mal. C'est pour cela qu'il n'y a aucun mal d'utiliser des haut-parleurs lors des conférences et aussi lors des sermons et autres. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est important. Certains innovateurs, qu'Allah les guide, vont te dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de haut-parleur. Il n'y avait ni haut-parleur et ni micro. Et maintenant, ces deux choses sont utilisées. Et ceci montre que ce n'est pas toute chose nouvelle qui est mauvaise. Ou plutôt, ce n'est pas toute innovation qui est mauvaise. Ensuite, ils vont te dire, et le mot oulid, c'est un peu comme le microphone et le haut-parleur. Ce sont des bonnes innovations. Alors, si nous acceptons le fait que dans chaque mosquée, aujourd'hui, il y ait des microphones et des haut-parleurs, nous devons aussi accepter certaines choses, telles que le maoulid et autres. Et donc, cette ambiguïté, ikhwani fillah, elle est très fréquente. Et elle a pour but de justifier la position de ceux qui disent qu'il y a de bonnes innovations. Et la réponse à cette ambiguïté se fera, incha'Allah, en plusieurs points. Le premier point, c'est certes une erreur de comparer certains moyens de propagation de la science et de la religion aux innovations connues à notre époque, telles que le maoulid. Surtout que le maoulid est considéré comme un Eid, est considéré comme une fête pour ceux qui le célèbrent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a clairement mentionné dans sa sunna les fêtes que les musulmans doivent célébrer. Le deuxième point, le microphone et le haut-parleur ne sont que des moyens de propagation et ce ne sont pas des actions par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah. Au contraire du maoulid. Lorsque les gens, billah alaykoum, ils célèbrent le maoulid, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le Coran en groupe. Ils font à manger. Les femmes, ils font à manger. Pour ensuite le distribuer aux gens. Et d'autres choses. Quels sont leurs buts? Quel est leur but lorsqu'ils font ce genre de choses? La réponse, ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses actions. Donc ça nous montre qu'on ne peut pas comparer ces moyens-là au maoulid. Et le troisième point, les savants de la sunna nous mentionnent que les moyens de propagation sont de deux types. Ceux qui sont permis, tels que le microphone et les haut-parleurs et autres, et ensuite, nous avons ceux qui sont interdits. Et les savants de l'islam ont jugé que les haut-parleurs et les microphones rentrent dans la première catégorie. Comme on a mentionné précédemment, c'est une erreur flagrante de comparer ces moyens de propagation de la science à des actions comme le maoulid. Il y a vraiment une grande différence entre les deux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Le deuxième enseignement est que la base dans l'interdiction est qu'elle montre le caractère illicite de la chose. Et la preuve à cela, ikhwani fillah, est que lorsque Abu Talha radiallahu an a informé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah et son messager interdisent la consommation de la chair de l'âne domestique, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont tout de suite abstenus. Le troisième enseignement, l'interdiction de continuer une action lorsqu'on prend connaissance que c'est interdit. Car lorsque Abu Talha radiallahu an a informé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'interdiction de consommer la chair de l'âne domestique, ils n'ont pas continué à faire cuire la viande, mais plutôt ils ont renversé les marmites. Et quelqu'un ici pourrait me dire, dans ce cas, est-ce que la personne qui fait l'action doit arrêter dès qu'elle apprend que c'est interdit, ou bien peut-elle attendre un peu? Et la réponse à cela est que la personne, dès qu'elle sait que cela est interdit, elle doit arrêter. Par contre, il est bon de préciser que ceci est dans le cas où ça ne va pas engendrer un autre péché. Par exemple, imaginons que Khalid porte un pantalon en soie, car il ne connaît pas le jugement de la soie pour les hommes. Et Zayd rencontre Khalid et lui dit, il est interdit pour un homme de mettre de la soie. Est-ce que ici, Khalid est obligé d'enlever son pantalon? Surtout si on dit que Zayd l'a croisé dans la rue, la réponse est non. Car cela va le pousser à montrer sa aura, à montrer sa nudité. Et ceci est interdit. Il devra donc attendre de pouvoir trouver un autre vêtement pour pouvoir enlever son pantalon de soie. Par contre, si cela ne va pas mener à un autre péché, il est obligatoire de s'empresser de délaisser l'action et de ne pas continuer, comme l'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième enseignement, la permission de mandater quelqu'un pour transmettre la science. C'est-à-dire qu'il est autorisé que tu dises à quelqu'un, va voir un tel. Et dis-lui qu'un tel dit que telle chose est interdite ou que telle chose est permise. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mandaté Abu Talha radiallahu an pour qu'il annonce aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la chair de l'âne domestique est impure. Donc ça, c'est pour le quatrième enseignement. Le cinquième enseignement, la belle manière d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car après avoir mentionné le jugement, il a mentionné la sagesse. Il a d'abord mentionné, sallallahu alayhi wa sallam, le jugement de la chair de l'âne domestique. Ensuite, il a mentionné la sagesse en disant que c'est une impureté. Et la question qu'on peut se poser ici, Ikhwanifillah, est à quoi sert ce procédé? Surtout que dans de nombreux ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilise. Et la réponse à cette question est que ce procédé vise à apaiser les cœurs et aussi à ce que les gens se soumettent totalement. Car lorsque la personne connaît la sagesse de l'interdiction d'une chose, elle se soumet plus et plus facilement. C'est pour cela qu'il fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de mentionner la sagesse après avoir mentionné le jugement. Le sixième enseignement est que toute chose impure est interdite. Car lorsqu'il fut dit dans le hadith, Allah et son prophète vous interdit la chair de l'âne domestique, il a justifié cela par c'est une impureté. Il a justifié cela par sa parole, c'est une impureté. Et donc on tire de cela que toute chose impure est interdite. Mais par contre, ce n'est pas toute chose interdite qui est impure. Prenons l'exemple du poison. Le poison est interdit, comme vous le savez, sans pour autant être impur. Donc la règle est que toute chose impure est interdite, mais ce n'est pas toute chose interdite qui est impure, et on peut prendre l'exemple du poison. Le poison est interdit à la consommation, mais par contre, il n'est pas impur. Il est plutôt pur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc ensuite, l'auteur, il dit Amr ibn Kharija rapporte, radiallahu anhu, Amina, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous adressa un sermon juché sur sa monture, dont la salive coulait sur mon épaule. Donc Amr ibn Khariji rapporte, Amina, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous adressa un sermon. Et le sermon consiste à faire un rappel par une exhortation ou bien par mentionner des jugements religieux ou bien ordonner le bien ou interdire le mal. Et les savants ont mentionné que les sermons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de trois catégories. La première catégorie de sermons, ceux qui étaient en continu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais, tel que le sermon du vendredi. La deuxième catégorie de sermons, les sermons liés à un événement légiféré. Les sermons liés à un événement ou à une cause légiférée, telle que la prière de l'éclipse. Et la troisième catégorie, les sermons qui n'étaient pas liés à une cause légiférée, mais plutôt il se passait quelque chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décidait de faire un sermon. Donc Amr ibn Kharija rapporte, radiallahu anhu, Amina, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous adressa un sermon juché sur sa monture, dont la salive coulait sur mon épaule. Et donc ce hadith indique que la salive du chameau est pure, car la monture, ici ce qui est visé par la monture, est le chameau. Et donc ceci indique que la salive du chameau est pure, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé Amr ibn Kharija, radiallahu anhu. Et il ne lui a pas ordonné de laver son vêtement. Et si la salive du chameau était impure, il lui aurait ordonné de laver son vêtement. Et les savants mentionnent une règle très importante concernant ce sujet. Ils mentionnent que tout animal dont la chair est licite à la consommation, tout ce qui sort de cet animal est pur. Tout ce qui sort de l'animal dont la chair est licite à la consommation, tout ce qui sort de son corps est pur. Sauf le sang. Excepté son sang. Donc, tout ce qui sort tout ce qui sort du corps, par exemple des montures, telles que leur transpiration, ce qui sort de leur nez, leur urine, etc., est pur, sauf le sang. Sauf le sang, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran que leur sang est impur. Il nous a mentionné cela dans le verset 145 de Sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Il dit dans la traduction rapprochée, dit « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à la consommation que la bête morte non égorgée, le sang versé lors de l'abattage, la chair de porc, car c'est une souillure. Donc les savants, ils nous mentionnent que tout ce qui sort de ces animaux-là est pur, sauf leur sang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est la pureté de la salive du chameau. Le deuxième enseignement, la permission de faire un sermon sur une monture. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon juché sur une monture. Il est donc permis de faire un sermon sur une monture à condition que cela n'engendre pas une difficulté pour la monture. Si cela engendre une difficulté pour la monture, alors ceci est interdit. Le troisième enseignement, l'intérêt que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à enseigner aux gens, et ceci à n'importe quelle occasion. Et l'étudiant en science se doit de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se doit de profiter des occasions et d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala quand l'occasion s'y prête. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.